Le fantôme d'Asiadé, d'après Pierre Loti. Lu par Xavier Gallet. Réalisation Baptiste Guiton. Épisode 1. Non, je ne sais plus rien d'elle. Les rares petites lettres qui les premiers temps m'arrivaient encore ont cessé depuis 7 ans bientôt de m'apporter leur plainte étouffée. Le sommeil ne vient pas. Minuit. Du silence partout. Errant sans but d'une pièce dans une autre, je reste indéfiniment songeur, comme à la veille de mes grands départs de marin pour des campagnes longues et lointaines. Cette fois, pourtant, je ne pars que pour un mois et je ne vais pas plus loin que Stamboul. Mais le voyage sera sombre. C'est donc vrai que je vais revoir Stamboul. Il fait lourd et il fait inquiétant dans mon logis ce soir. Et tout y a pris l'air lugubre avec ce seul flambeau qui laisse les fonds dans une obscurité confuse. Les choses, ici, sont imprégnées d'odeurs turques comme dans un sérail et c'est trop. Ce silence pesant ajoute encore à la lourdeur parfumée de l'air et j'ouvre en grand les fenêtres. Le silence reste le même, augmenté plutôt, prolongé par tout le silence d'alentour. Déjà l'automne, encore un été qui s'en va, qui aura passé quand je reviendrai. Mon Dieu, je vais, pour ce voyage, perdre nos derniers beaux jours d'ici avec la plus belle floraison de nos roses sur nos murs. Je me sens réveillé par cet air frais, comme d'un songe très sombre, et je me penche à cette fenêtre pour respirer de la vie. Les choses familières du voisinage m'apparaissent alors. L'éclairage lunaire leur donne cette nuit je ne sais quoi d'immuablement tranquille, d'un peu irréel aussi. Mais elles sont bien les mêmes, toujours. Et j'ai vu toute ma vie ces vieux toits, ces pans de murs, ces trouées profondes des jardins, ces masses ombreuses des verdures. Et on dirait que tout cela me chante en ce moment quelques petits hymnes mélancoliques de terre natale me conseillant de ne pas partir. Tant d'autres, plus simples que moi, n'ont jamais quitté ce pays, ni seulement ce voisinage. Une senteur monte des jardins, une senteur d'humidité, de mousse, de feuilles mortes. Peut-être, si j'avais fait comme eux, en dedans de moi-même, je passe une lente revue sinistre de temps accomplis, de choses à jamais finies, de visages morts. Pourtant, il se peut qu'elles vivent. Depuis bien longtemps, cette pensée-là ne s'était plus présentée à moi d'une manière aussi poignante. En effet, puisque je ne sais pas, puisque je ne suis sûr de rien, il n'est donc pas impossible que bientôt, dans si peu de jours que j'en frémis comme si ce devait être demain, je me retrouve en sa présence, rencontrer de nouveau son regard, que je m'étais habitué à croire mort, son regard de douleur ou de sourire. Et comment serait-elle alors ? Comment serait son visage de 28 ans ? Dans toute sa beauté de femme, me réapparaîtrait-elle la petite fille d'autrefois svelte aux yeux verts de mer ? Ou bien flétrie, qui sait, finie à jamais en tant que créature de chair et d'amour ? Peu importe du reste, même vieillie et mourante, je l'aime encore. Mais de toute façon, l'instant de cet étrange revoir serait pour nous deux un peu terrible. et n'aurait pas de lendemain arrangeable, n'aurait aucune suite pouvant être envisagée sans effroi. Asiyadeh et Loti, ceux d'autrefois du moins, sont bien morts. Tous deux sont morts. Une fraîcheur exquise, venue des jardins, venue de la campagne et des grands marais. Je pars demain. Et je pars d'une façon aussi banale et positive que pour un voyage quelconque. Mes malles sont en bas, prêtes à être enlevées dès le matin par la voiture qui m'emportera au chemin de fer. Empressée, comme toute ma vie, je traverserai l'Europe très vite, en 3 jours, par le rapide de Paris à Bucarest. En route, cependant, dans les Carpates, je m'arrêterai une semaine avant l'inquiétante étape finale. Et puis, de Varna, par la mer Noire, en 24 heures, je gagnerai Istanbul. Il faut bien qu'il se soit joué là-bas un acte inoubliable de cette féerie noire qui a été ma vie pour que je m'inquiète ainsi de la pensée d'y retourner. D'année en année, du reste, j'espérais revenir. Et au contraire, les hasards de ma vie me conduisaient ailleurs, en Afrique, en Chine, toujours plus loin. Alors, peu à peu, une sorte d'apaisement de ces souvenirs se faisait en moi-même. Ils se décoloraient comme sous de la poussière, sous de la cendre de sépulcre. Les nuits seulement, pendant les lucidités du rêve, je retrouvais sous une forme continuellement la même mes regrets inatténués. Toujours ces imaginaires retours dans un Istanbul au dôme trop haut et trop sombre, profilé sur un ciel mort. Ô l'étrange Istanbul, l'oppressante ville spectrale que j'ai vue dans mes nuits. Quelquefois, elle restait lointaine, montrant seulement à l'horizon sa silhouette. Sur quelques plages désertes, je débarquais au crépuscule, apercevant là-bas les minarets et les dômes. À travers des landes funèbres, semées de tombes, je prenais ma course, alourdie par le sommeil. Ou bien c'était dans des marécages. Et les joncs, les iris, toutes les plantes de l'eau retardaient ma course, se nouaient autour de moi, m'enlaçaient d'entraves. Dans ces rêves obsédants qui, depuis ces 10 années, me sont revenus tant de fois, me sont revenus chaque semaine, jamais, jamais je n'ai revu, pas même défiguré ou mort, son jeune visage. Jamais je n'ai obtenu même d'un fantôme une indication, si confuse qu'elle fût, sur sa destinée. Je quitte la fenêtre et entre dans le logis turc, rouge sombre, où des tranchants d'acier luisent ça et là, des lames courbes de yatagan et, sur les tentures murales, ces broderies étranges. Quels êtres inconnus, de quelle génération ayant précédé la nôtre, ont fixé dans ces dessins leurs rêves, leurs immuables rêves, ceux pour qui on a trempé ces armes et tissé ces ors? Quelles chimères avaient-ils? Quels amours? Quelles espérances? Je les sens loin de moi comme jamais ces croyants-là qui, à présent, dorment en terre sainte au pied des mosquées blanches. Ce n'est pas par simple fantaisie d'art qu'ici, mon appartement est pareil à celui de quelque émir d'autrefois. Ressemble à une demeure orientale avec ses arceaux dentelés, ses broderies d'or archaïques et ses chaux blanches, et qui, par sortilège, se serait incrusté au milieu de ma chère maison héréditaire. Un charme dont je ne me déprendrai jamais m'a été jeté par l'islam au temps où j'habitais la rive du Bosphore, et je subis de 1000 manières ce charme-là, même dans les choses, dans les dessins, dans les couleurs, jusque dans ces vieilles fleurs de rêve qui sont ici naïvement peintes sur les faïences de mes murs. Et surtout, il m'attire, ce charme triste, il m'attire vers là-bas où je serai demain. Bien réellement, je pars demain. Je vais revoir en plein jour, en plein soleil, cette ville qui, pour moi, s'est peu à peu amalgamée à du sombre rêve au point de me paraître elle-même presque chimérique. À peine puis-je croire que rien ne m'entravera en chemin, que j'arriverai au but, que je marcherai dans ces rues sans être ralenti par des inerties de sommeil, que j'interrogerai des êtres vivants et que peut-être je retrouverai la chère trace perdue. Le maléfice qui me tenait éloigné de Stamboul semble à la fin rompu. Je rassemble de menus objets que j'emporterai sur moi, des lettres, des amulettes et certaines bagues qu'elle m'avait données. Puis, avec recueillement, comme si je regardais dans une tombe en soulevant la dalle funéraire, je vais ouvrir un tiroir mystérieux. C'est le cercueil où dorment 1000 petites choses rapportées d'Eyoub, des feuillets sur lesquels des mots turcs sont gauchement tracés de son écriture enfantine, des morceaux d'étoffe, des fantômes de pauvres fleurs qui, jadis, poussèrent dans les jardins de Stamboul au printemps. Au plus profond de cette cachette, sous ces débris, je cherche une adresse en caractère arabe qui, le matin de mon départ, fut dictée par Ahmed à l'écrivain public de la place d'Hadji Ali. D'après lui, elle devait me servir de ressource suprême pour le retrouver si je ne revenais qu'après de longues années. La voici, cette adresse. Elle a 5 ou 6 lignes. Elle n'en finit plus. Elle donne le nom et le logis d'une vieille femme arménienne. Qui sait ce qu'elle a pu devenir? Qui sait ce que je retrouverai là-bas? Ahmed jugeait que cette femme ne quitterait certainement jamais sa maison puisqu'elle en était propriétaire. Pauvre petite adresse naïve qui fut écrite, je me souviens, en plein air, au pied de la mosquée, sous les platanes, par un si clair soleil de printemps et de jeunesse, et qui a dormi près de 10 années dans l'obscurité de ce tiroir. Pendant que je courais le monde, elle a jauni, pâlit, prise un air de document ancien concernant des personnes mortes. Elle me fait mal à revoir, si fanée. Il me paraît invraisemblable que je puisse la ramener à la grande lumière d'Orient et que les mots écrits là me servent jamais à renouer un fil conducteur vers des êtres qui soient encore vivants et réels, qui ne soient pas des mythes de mon imagination, des spectres de mon souvenir. Il me semble que c'était hier, ce départ. Comme je me rappelle bien, quand le navire que j'ai longtemps commandé est promené de l'Adriatique à la mer Noire contre les vents d'hiver et les lames mauvaises, se détacha peu à peu du quai plein de monde. Comme je me rappelle nettement cette voiture couverte qui passa avec lenteur dans la foule, me laissant entrevoir par la portière 2 yeux de femme sous un tcharchaf noir un instant relevé. C'est presque sacrilège de le dire. En ce moment, je crois que je préférerais être sûr de ne trouver là-bas qu'une tombe. Pour elle et pour moi, j'aimerais mieux qu'elle m'eût devancé dans la finale poussière qui ne pense ni ne souffre. Et alors j'irai tenir mon serment de retour devant quelqu'une de ces petites bornes funéraires aux mystiques inscriptions confiantes qui si paisiblement traversent l'indéfini des durées dans les bois de cyprès. Les longs rayons de la lune entrent. Un phalène. Elle était assise, pauvre chère petite Asiadée. Elle avait fait une toilette qui la rendait étrangement belle. Le courage m'avait manqué pour lui dire « Après-demain, je vais partir. » Ahmed posa notre souper. Il était dans la confidence de mon départ. Elle me regardait avec une fixité étrange et nous avions peur l'un et l'autre de rompre ce silence. C'était gai d'ordinaire notre dîner à deux quand Ahmed jouait sur sa flûte archaïque les vieilles mélodies sauvages qui dans les temps avaient servi à ses ancêtres pour ramener les troupeaux. Dans la main crispée d'Asiadé, j'entends un léger craquement de porcelaine. Elle vient de briser sa tasse et les débris tombent à terre. Le mal n'est pas grand, le café épais, après avoir désagréablement sali ses doigts, se répand sur le plancher et l'incident passe sans qu'aucun de nous fasse mine de l'avoir remarqué. Cependant, la tache s'élargit par terre et un liquide sombre tombe toujours de sa main fermée, goutte à goutte d'abord, ensuite en mince filet noir. La porcelaine brisée avait entaillé cruellement sa chair. Pendant une demi-heure, le sang de ma chérie coule. J'ai compris, Valotti. C'est la dernière fois, n'est-ce pas ? Non, non, ma chérie. Demain, je te le jure, demain encore. Le lendemain, c'était le jour de tout arracher, de tout démolir dans ce cher logis meublé peu à peu avec amour où chaque objet nous rappelait un souvenir. C'était le commencement de la fin, plus que des caisses, des paquets et du désordre. Je suis allé prendre au fond d'un coffre une amulette que je n'avais plus vue depuis longtemps. Elle se compose de je ne sais quels minuscules objets mystérieux enfermés dans un sachet. Le sachet, cousu assez gauchement par une petite main inhabile qui pourtant s'était appliquée beaucoup, est fait d'un morceau de drap d'or sur lequel une fleur rose est brochée. Je pense qu'il est vieux comme le monde. Cet enfantillage attristé qui consiste à échanger entre soi, si l'on s'aime, de pauvres petites choses comme des amulettes contre le mutuel oubli. Je la vois, attachant l'amulette à mon cou, puis levant vers moi un regard où transparaissait toute sa petite âme simple et grave. Son visage est sorti de la nuit avec son expression des derniers jours et l'interrogation suprême de ses yeux. Non, au lieu de cette tombe, que plutôt je la retrouve, elle, n'importe comment, et à n'importe quel prix. Quand je devrais recommencer à souffrir après, j'aimerais mieux la revoir. Je ne l'espère pas, mais je sens que je le voudrais, au risque de tout. La retrouver, même vieillie, même près de mourir, ombre encore un peu pensante qui seulement comprenne que je suis revenu et qui m'entende demander pardon. Ombre qui est encore ses yeux, son expression Dieu, et que je puisse aimer un instant avec le meilleur de mon âme et le plus tendre de ma pitié. Ou même, s'il le faut, que je la retrouve m'ayant oubliée, jeune, belle, toujours, et jouissant en paix de l'été de sa vie, des quelques années de soleil qui étaient son lot, à elle aussi bien qu'à toutes les autres créatures, et que je n'avais pas le droit de lui prendre. Si elle était près d'ici, j'irais la chercher par la main, et sans hésitation, je l'amènerais au milieu de tout ce que j'ai de plus cher et de plus respecté. Toutes mes impressions changeantes de cette soirée se fondent, à présent, dans ce désir attendri de la revoir, dans cet élan, d'ailleurs presque sans espérance, vers elle. Vers 8 heures, l'Orient Express s'arrête au bord du Danube, qu'il faut franchir en bateau. Il fait très froid, toujours avec une brume légère aux horizons d'une plaine plate, infinie. Sur l'autre rive, nous montons dans un mauvais petit chemin de fer qui doit, dans sa journée, nous faire franchir la Bulgarie. Stamboul n'est plus qu'à 24 heures de moi. À mesure que nous avançons vers la mer Noire, l'air se fait moins froid. Les stations, de pauvres villages, de loin en loin perdus au milieu de régions désolées, commencent à avoir des noms tartares. Des costumes turcs, turban, veste de bure soutachée de noir, commencent à se montrer aux barrières et je prête l'oreille attentivement pour écouter ces gens-là parler la langue aimée dans cet âpre pays triste. Enfin Varna paraît et je salue les premiers minarets, les premières mosquées. Il fait calme sur la mer Noire quand nous montons sur le paquebot qui doit nous mener à Stamboul. L'air est devenu tiède, léger. Je me promène seul à travers la nuit grise sur le pont de ce paquebot qui file vers le sud et qui file très vite, sans secousse, sans bruit. Sur ce navire, je m'étonne par habitude de métier de n'avoir pas de quart à faire, d'être au milieu de matelots qui ne m'obéiraient point et à qui je suis inconnu. Rien ne me regarde, ni la manœuvre, ni la route, et cela me semble un peu invraisemblable. Personne ne sait ici mon nom, encore moins ce que je vais faire là-bas, et combien cette approche me trouble. Ce retour à Stamboul prend à cette heure, je ne sais quel air clandestin et funèbre aussi, dans le silence de plus en plus absolu du navire qui s'endort tout en fuyant. Instinctivement, mes yeux regardent et suivent deux ou trois petits feux très lointains, à peine perceptibles, qui semblent piquer au hasard sur l'immensité neutre dans le ciel ou dans la mer, je ne sais trop, et qui sont des phares de la côte turque. La mer devient de plus en plus inerte, et notre allure, toujours plus glissante, dans la nuit confuse, où l'horizon n'a pas de contour. Venez d'entendre Le fantôme d'Asiadée, premier épisode. D'après les romans Asiadée et Fantôme d'Orient de Pierre Loti. Adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet. Lu par Xavier Gallet. Musique originale Olivier Innocenti. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Julien Douminc, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Réalisation, Baptiste Guiton.